fond de moi, j'ai ce désir qui brûle en moi et te désire. Oh, oh, oh. J'ai envie de te faire frémir. Et je ne pense qu'à elle. Aucune idée me passe, je ne vois qu'elle. J'ai pas envie de bouger, juste envie de me poser. J'ai simplement l'envie de respirer. Mais son esprit est là. Je veux juste aller là-bas, m'en aller de chez moi, chercher celle qui est sans moi. Et j'en perds la raison. Hey, tu es la seule qui me rendra raison. Jour après jour, j'ai respiré ton être. Et je sais que c'est pour moi que tu es faite. Et je la vois venir enfin vers moi. Je sens ses mains qui se faufilent sur moi. Je ne l'imaginais pas. Elle m'a enveloppé de son âme charnelle, car elle est tout pour moi. Ah, ah.